les reins sur la terre. Nous sommes ici de passage. Chez nous, c'est quelque part ailleurs. Placé dans la chair pour combattre. Pour porter les tentations à Et l'objectif de Dieu, c'est de nous voir vaincre. Et celui qui vaincra héritera le royaume de Dieu. Et les bénédictions qui sont rattachées à cela. Prévu dans le royaume. Un royaume éternel. Où il y a la sécurité éternelle. Où il y a la paix et la joie éternelle. Où il y a la cité éternelle. Où il y a des solides fondements. Où Dieu est l'architecte. Que Jésus est allé préparer pour nous. Il reviendra quand tout sera prêt. Et nos cœurs se tiennent prêts. Nous préparons chaque jour pour ne pas rater le grand rendez-vous. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce dans la conviction que tu existes. C'est toi qui payes ce qui te cherche. Tu es vraiment le rémunérateur. Car si les humains sont injustes, c'est toi Dieu notre recours, le juste. Les humains agissent mal, mais toi qui fais tout à merveille. Et tu fais bien tout ce que tu dois faire. Et tu fais chaque chose bonne en ton temps. Apprends la crainte de Dieu à nos cœurs. Pour pouvoir te chercher. Et te prier. En toute occasion. Sans cesse. Maintenant Seigneur, nous sommes rassemblés ce dimanche matin. Nous prions que ton esprit descende. Condamne l'incrédulité. Condamne le péché. Toute inconduite. Mais la froideur dans l'église. Tout comportement malsain. Tout péché inconfessé. Que cela soit condamné au nom de Jésus. Mais la flamme de réveil. Mais le feu dans nos cœurs. Nous voulons la présence de Dieu lui-même. Nous voulons le feu divin au parmi nos Seigneurs. Pour qu'ensemble nous puissions te célébrer. Et t'adorer comme il se doit. Au nom de la reine de ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton nom, utilise chaque âme qui s'est préparée pour cette réunion, utilise-la pour le succès de la réunion, pour la réussite de cette réunion. Ceux qui n'ont pas pu se préparer, pardonne-leur la négligence, pardonne-leur les laisser aller, pardonne-leur les oublis, accorde-nous une meilleure vie. Chaque jour, améliore-nous, Seigneur, comptons sur toi chaque fois. Nous comptons sur toi tout le temps. Car toi, tu es notre secours. Toi, le refuge pour les saints. Envoie l'évangile, la parole de puissance, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle prenne nos responsabilités, et que chacun passe à l'action pour la gloire du Dieu vivant. Bénis vraiment cette réunion. Père, pardonne nos péchés. Amen. Bénis vraiment cette réunion. Par ta sainte présence, que les anges de Dieu prennent poste au lieu où ils doivent être, et que les effets surnaturels nous voulons que les âmes soient délivrées. Grandir devant toi. Atteindre la maturité. Refléter Jésus-Christ. Comme des disciples parfaits. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans la Sainte Bible. Luc chapitre 6. Luc Motoba. Verset 6. Longa Motoba. À 12. Sino Zominambale. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leur pensée. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il s'éleva et s'étend debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand les jours parurent, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Na sabata mosusu akotaki na eyanganelo mpe alakisaki. Pe moto moko ajalaki wana, loboko na ye na mobali ekaukaki, bakomeli mpe bafalisayo bakengelaki ye kotala soko akobikisa ye na sabata ete bazwa nzela kofunda ye. Ye nde ayebaki makanisi na bango mpe alobaki na mobali oyo na loboko lokaukaki ete telema katikati. Se atelemaki bongo, Yesu alobaki na bango ete, natuna bino, ekoki kosala, mosala malamu na sabata, soko kosala mabe, kobiki sabomo ekoki, soko kobebi sayango, efilaki ye koloba bongo, efilaki ye kotala bango yonso, alobaki na ye ete, sembola loboko na yo, asalaki bongo pe loboko na ye ebikaki. Bango nde batondaki na kanda, pe basololaki soko bakosala Yesu likambo nini. Na mikolo yango abimaki mpe akendaki na ngomba mpona kobondela, aumelaki wana butu mobimba na kobondela Nzambe. Wana etanaki ntongo, abiangaki bayekoli na ye epai na ye, pe aponaki zomi na mibale kati na bango mpe abiangaki bango bantoma. Luc chapitre 10, verset 1 à 3. Mokapa zomi mulongwa ya mbu kilo misato. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Nasima namatambo oyo kolo aponaki pe bamosusu tuku sambo pe atindaki bango mibale na mibale liboso na ye kati na bamboka yonso. Na bisika yonso elingaki ye kokende, alobaki na bango ete, mboma mingi iteli solo, nde basali bajali mingi te. Na bongo, bondela nkolo na bilanga ete, atinda basali, kobukela ye mboma. Kenda na bino, tala na jali kotinda bino lokola bana na mpate, na tati na bankoye. Jean chapitre 17. Yohane mokapo ya zomi na sambo. Le verset 22. Mulongo atuku mibale na mibale. À 24. Kino tuku mibale na mine. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'elles soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambi ya pambola botenge lobanaye. Et ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons les affaires du royaume de Dieu notre Père. Et c'est pour nous un privilège que de nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Les uns les autres dans la foi. Dans la paix. Avec joie. Et avec persévérance. Et cela est dû au fait que notre Dieu existe et nous y croyons. Il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Notre Dieu est immuable, il est le même. Nos cœurs l'aiment en réalité parce que lui-même nous a aimé le premier et qu'il fait pour nous des merveilles innombrables. Je sais qu'il fait froid. Ça c'est dehors. Mais à l'intérieur ça doit faire chaud. Ne laissez pas le froid du dehors envahir l'intérieur. Comme si vous n'écoutez que les cinq sens. De votre corps physique. Pour que cela vous crispe et vous que l'intérieur n'arrive pas à se dégager. Vous avec Dieu. Dieu a placé au-dedans de l'homme. Et c'est l'esprit qui entre en contact avec Dieu. La chair ne sert à rien. La chair n'entre même pas du tout en contact avec Dieu. Avec ces cinq sens-là, le goût, l'odorat, c'est l'intérieur. L'esprit de l'homme qui est dans l'homme. C'est lui qui doit s'élever jusque devant le trône. Et contacter cet être surnaturel. Alors, ce matin, nous poursuivons avec la deuxième commission de William Branham, celle du 7 mai 1945, à Greensmill, dans la ville de Jefferson. C'est la cabane de prière du prophète William Branham, là où l'ange du Seigneur lui est arrivé. On l'a vu dimanche passé. Il n'avait pas des ailes. Il n'avait pas des ailes. Que Dieu soit béni. J'ai reçu une question en privé. C'était une question préoccupante. Il a dit, mon pasteur, vous avez la date telle, vous avez dit exactement que les anges n'ont pas des ailes. Mais la seule catégorie des êtres angéliques qui a des ailes, ce sont les séraphins et les chérubins. Cette affirmation-là, je la confirme encore. Parce que c'est une vérité biblique. Nous pouvons la prouver de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, vous savez voir de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque fois et toutes les fois qu'on aura parlé des dans cette Bible et dans votre Bible, nulle part, il n'est ne fait description d'un ange ou un ange aux yeux bruns. La Bible n'en parle même pas. Cela n'existe pas. Donc, l'ange ayant des ailes, il n'y en a pas. Bon, maintenant, il y a le, dans Esaïe au chapitre 6. Esaïe na Isaïa mukapo ya motoba. En voyant à partir des premiers versets. Ça mulonga kutanga yambo. Vous trouvez qu'il est parlé des séraphins. Balobi na tina ba séraphin kuna. Qui était au-dessus de l'Éternel, le grand roi assis sur son trône très élevé. Bazala ki likolo na kolo mukundi monyo na vandi likolo ngwendele tomba mimi ikolika. Et ces séraphins là n'avaient pas deux ailes comme les gens essayent de dessiner. Bango bazala ki mapapu mi baleti lokola batu amika ko. Mais ils avaient trois paires d'ailes. Bango bazala ki na mapapu motoba. Trois fois deux ça fait six. Bazala ki mapapu motoba. Donc ils ont six ailes. Bango bazala ki mapapu motoba. Les séraphins, pas deux. Bazala qui n'a pas mis balété. Certains dessinateurs aiment dessiner. Le cola va aimer mon tour sur Balingaka. Ouan n'a pas pu m'aimer balété. Les mensonges. Voilà le kouta. Les séraphins, c'est six. Bango bazala qui n'a pas mis balété. Ils utilisaient deux. Bazala qui m'a balété. Pour se voiler la face et ne pas voir la sainte face de Dieu. On a commencé à élever mon sang, tu as un bébé. Ma papou, il va les aller l'engue, yo. Deux autres pour couvrir les pieds. Mais ce sont pour la confier pas ma colo, tout ma caca, la bango. Pour que l'air ne soit pas vu. Oui, tiens, ma colo, la bango, mon en a dit. Et deux autres c'est pour voler avec. Mais ce sont les allées pour la copine, voilà, yango. Ça faisait six ailes. Yango, c'est là qui m'autoba. Les séraphins. Voilà, ma séraphin. Les ailes courtes. Ah, wow. Maintenant, vous voyez que cela n'a rien à voir avec tous les dessins que vous voyez partout là. Yango, coupé, écoute, n'est-ce pas, côté, n'a pas, y'a n'a. Oui, ils écrivent les anges avec deux ailes, une paire d'ailes. Vous allez comme ça la banger, n'a pas pour vous mi balayer. Mensonge. Écoute. Les séraphins, c'est six ailes. On peut lire? Okutanga. Disons Christ pense. Fixons ça. En passant. Okutanga, on peut le faire tout. Esaïe 6, verset 1 à 3. Isaïe Motoba, Moyama Yambo. Qui n'a mis ça tout. L'année de la mort du roi Ozia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Nailanga kufa ya mokondi Ozia, na mona ki nkolo, afanda ki na kiti na ya mokondi et tombi likolo mosika mpe et lamba na sima na ye et tombi sa ki tempelo. Si je m'arrête un moment pour vous poser une question, c'est quoi les pans de la robe de l'Éternel, le grand roi, les pans de sa robe dont il est parlé ici? Qui peut me dire? Les pans de sa robe qui remplissaient les temples. La Bible est inspirée. Bon. Les pans de sa robe. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Très bien. Les anges. Ah oui. Yo, les alibans, je. Ah, sœur Sarah, ceci a réussi brillamment. Amen. Ce sont les anges. Les alibans, je. Les pans. Quel lien entre les pans? C'est là qu'on vous dit qu'un prophète est un interprète de la parole divine écrite. Toi, tu peux lire ça, tu vas mener dans le dictionnaire, chercher le mot pan, veut dire quoi. Bunga malam. On va te donner une explication. Mais ici, ce sont les anges qui faisaient la fuite après le trône. Il y a des anges qui remplissaient tout le temps. Et ça a donné l'aspect que Dieu portait une longue robe. Comme lui, la tête est au sommet là-bas. Et puis, la robe remplissait ici. Ce n'est pas une robe cousue par un tailleur. Ce sont les anges qui forment un cœur des anges. Donc, des corps qui forment un corps, un bloc. Il y en a des myriades et des myriades. Et ça forme un grand bloc là quand tu regardes à peine de vue. Je peux faire une pause encore. Vous lisez ici dans Hébreux chapitre 12. Je vous ai encore une idée. Oh là là. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Amen. Écoutez, des myriades qui forment le cœur des anges. Il y en a là-bas, dans la Jérusalem céleste, dans la cité du Dieu vivant, dans le ciel même là-bas. Il y a des myriades qui forment le cœur des gens. Vous, l'église, vous les adorateurs, vous êtes approchés de ça. Il faut que ceci vous soit révélé. Et quand nous parlons des affaires de Dieu, notre Père, c'est avec clarté précise. Non pas selon la théologie. Alors je reviens à Isaïe 6. L'année de la mort du roi Ozia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Le pan de la robe de Dieu, c'est la suite de Dieu. Ce qui fait suite à son trône. Et dans la suite de son trône, elles sont les myriades de gens. Le trône est très élevé, mais ce trône a une suite qui descend. Et cette suite qui descend, ce sont les anges. Et d'un ordre plus élevé que les anges, il y a les archanges. C'est vous que Michael ou Michel est un archange. Dieu a créé les anges, mais il a créé aussi les archanges. Oh, qui dit amen? Archange supérieur. C'est ainsi que Michael pouvait commander les anges. Dans l'ordre céleste, Michael donne les ordres et les anges exécutent. Parce que lui n'est pas qu'un ange ordinaire, mais il est un archange. Gloire à Dieu. C'est pas le temps d'enseigner sur les anges et les archanges. Voyez les choses qui existent sur la terre ici. Nous sommes trop habitués à nos fumbos, à nos pondous. Et parfois on ne saisit pas. Quand Dieu parle de son royaume et du ciel, c'est une réalité. Je vous ai parlé dernièrement des anges de Dieu se communiquant. On a vu des visions bibliques ou des scènes. Ce sont des réalités auxquelles les humains ne sont pas habitués. Mais que l'évangile vous dévoile. Pour les héritiers du ciel, pour que vous ne soyez pas étonnés. Vous ne soyez pas surpris en y arrivant. Il y a une telle harmonie là-bas. Un tel ordre qui règne là-bas. Une telle autorité sur le. C'est vrai. Alors, Esaïe 6. L'année de la mort du roi Ozia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Et Séraphin se tenait au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Pas deux. Tu lis bien. Combien d'ailes? Ils sont appelés comment? Deux de dos, ils se couvraient la face. Deux dos, ils se couvraient le pied. Et deux dos, ils se servaient pour voler. Nami balé, j'ai pas qui est longi. Naïepe, nami balé, et j'y pas qui m'a coronaïe, pe nami balé, et j'alaki, pour la copimba. Voyez ça? Oumouni? Et plus bas là-bas, à ce qu'on a, l'un des séraphins, verset 6 et 7. Mokona va se lafe, mokota motobate, sambo. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. et ton péché est expié. Voyez ça? Les séraphins étaient là au-dessus de Dieu. Et c'est là qu'on a dit qu'on a l'icolo, l'icolo dans Zambé. Ils se tenaient au-dessus de Dieu. Et on a dit l'icolo dans Zambé. Et ils voilaient leur face. Pour ne pas regarder la haute sainteté de Dieu. Pour s'empêcher de voir la grande, l'extrême sainteté de Dieu. Pour voler les pieds en signe de respect. Voyez frère. Et ils avaient deux ailes pour voler. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à l'action. Prêts à intervenir à tout moment. Quand les besoins l'exigent, ils s'interviennent immédiatement. Ils se tiennent là, devant la face. Les séraphins. Mais le mot séraphin veut dire brûleur. Bon, il a une connotation avec séraphin. La signification prophétique sont les brûleurs, c'est ce que vous le voyez mentionné en rapport avec l'autel. Donc c'est eux qui doivent purifier l'adorateur qui se présente. Ils purifient l'adorateur qui se présente devant Dieu. Et ils n'ont pas pour Esaïe ici pour concrétiser l'explication de ces péchés. Alors, Bongo. Chacun de nous doit comprendre le rôle que ces êtres jouent. Et ça, ils ont été vus avant que le sang de Jésus ne soit versé. Dans l'Ancien Testament, quand le sang était versé, le sang est répandu sur l'autel. C'est ce qui fait l'expiation de nos péchés. Alors les autres, les séraphins, ne savent pas ce que c'est que perdu. Qu'est-ce que commence que le péché? Mais ils ne peuvent qu'exécuter les ordres que le Seigneur Dieu leur donne. Quand il fait ceci, il le fait. Mais c'est nous les humains qui connaissons c'est quoi le péché. Qu'est-ce que c'est qu'être perdu? Parce que nous sommes tombés. Nous sommes nés dans le péché. Mais en dehors des séraphins, allons dans Apocalypse chapitre 4. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Apocalypse chapitre 4. Verset 2 et 3. Et puis nous serons plus bas. Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. De la même façon que Esaïe a vu le même trône, Jean a également vu le même trône de Dieu dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. N'est-ce pas? Alors Esaïe a vu que c'était l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et Jean, emporté par le même esprit, a vu le même trône. Qu'est-ce qu'il va remarquer? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sangone, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Na bokonzi yango. Mofandi azalaki na motindo komona na lokola libanga na yasipi na salali pe monama mozingelaki kiti na bokonzi. Azalaki na motindo ya komona na lokola na libanga na samala. Et le verset 69. Otoba pe liba. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Les bosseurs à qui tu n'as pas pensé, Lokola libeke na talatala ezali na motindo na kulusatala. Na katikati na bokonzi mpe epai na epai bezali na bijaleli na bomoi minei. Botondaki na miso liboso mpe na nsima. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un fou. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et Jalina Bomoy na liboso a Jalina Motindo na Kosi. Oya mi balé na motindo na ngombe. Oya mi sato na elongi ya moto. Pe oya mi nei na motindo na mpongo ajali kopumbwa. Bajali na bomo yango minei bajali na mapapu motoba. Quand tu vois les six comme ça, tu risques de dire, ah, c'est que ce sont les séraphins que... Les quatre êtres vivants, ce sont les séraphins que Esaïe avait vu. Hein? Bah, tu les éliminais, oui, ça nous, ils sont toujours des six ailes encore. Non, ce ne sont pas les séraphins. Parce qu'ici, ils ne sont pas mentionnés en accord avec l'autel. Ils sont en accord avec être au-dessus de Dieu, à la sainte femme. Ils sont décrits étroitement en rapport avec le trône de Dieu lui-même. Bango va taler si bango na bokanga mi penza na ngoma na kota. Et pas il va penza me kota fande. Ils ont quelque chose à faire. Wana bango va zana likamba kotala. Quatre êtres vivants. Mais alimine. Avec des facettes pas d'oiseau. Na bilongi avant de tete. Un. L'un d'eux face d'homme. L'autre face de lion. L'autre face d'un veau. Monsieur Sandombe. Et l'autre la face de l'aigle. Et les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Bapemite, butuna moi, bobele, korobaka ete. Santo, santo, santo, kolonzambe, mozunangua yonso. Oyo ajalaki, pe ajali, pe akonjala seko. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Quelle harmonie! Une adoration harmonieuse. Ininterrompue. Et sans cesse comme ça. Et voyez leur slogan. Ils ne disent pas Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Les quatre vivants ne disent pas ça. Ils disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Les séraphins. Les saïtistes. Mais les quatre vivants. Leur adoration. C'est lui des séraphins. Différent. Ils allaient ça. Et ils disent ceci. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ils allaient Santo, Santo, Santo, colons en même temps, vous en voulez un autre. Qui peut, Ajali peut, à cause de la seco. Et c'est différent dans Esaïe 6. Et que ça, il a essayé à mon capamotoba. Quand tu lis juste de manière superficielle, le diable est dans les détails. Ici, il ne s'agit pas du diable. Oui, ça, il est dans le détail. Dans Esaïe 6, hein, on dit ceci. Qu'est-ce qu'il criait? Verset 3. Et il criait l'un à l'autre, le séraphin. Parce que là, c'est. Et disait, Saint, Saint, Saint, Saint est l'Éternel désormais. Toute la terre est pleine de sa gloire. Boule, boule, boule, yawe na bibele. Mokili mobimba et tombi na nkembo na ye. Il criait comme ça sans cesse. Bango banganga kibongo kozana kotika. Ce sont les séraphins. Wane zali basilafe. En même temps, les chérubins eux. Oui, bakelubé. Ah, j'ai dit le nom. Quatre êtres vivants. Eux, ils crient. Saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout Puissant. C'est lui qui était. Qui est. Et qui vient. Quelle différence. Ne les confondez pas. Même Ézéchiel a vu la gloire du Seigneur. Il a identifié ces créatures vivantes. Les mêmes que Jean a vu sur l'île de Patmos. Oh, Ézéchiel chapitre 1. Quand il était au bord du Kébar, il dit ceci, Ézéchiel 1, verset 4, j'ai regardé, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli, sortant du milieu du feu. Ezalaki ngai kotala mopepe makasi eutaki na likolo pe lipata monene kongenga na pembeni na yango na moto kobimaka na yango pe na katikati na moto eloko ezalaki kongenga lokola motako. Verset 5. Au centre encore apparaissaient quatre êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun d'eux avait quatre ailes. Voyez ça? Ce sont les quatre êtres vivants. Verset 10. Et à 12. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous les quatre, une face de lion à droite. Tous les quatre, une face de bleu à gauche. Et tous les quatre, une face d'aigle. Na pona lolenge na bilongi na bango moko na moko azalaki na elongi na moto pe bango minei bazalaki na elongi na nkosi na loboko na mobali pe na bango minei bazalaki na elongi na ngombe na loboko na mwasi pe na bango minei bazalaki na elongi na mpongo lokola. Leur face et leur gel étaient séparés par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Bilongi na bango bizalaki bongo likolo moko na moko ezalaki na mapapu mibale mazalaki kokamama mapapu na yo mosusu pe mibale mabombami nzoto na bango. Alors chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Moko na moko, atambolaki sembo na liboso. Kuna elingaki molimo kokenda, bakendaki, wana pe batengaki te, wana ezalaki bango kokenda. Voyez encore le verset 13 et 14. Bomoni. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants, et il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Pour l'olenge na bizali na bomoi, bamonanaki lokola makala na moto wana ezalaki yango kozika lokola bisungi. Moto yango atambolaki na kati na bizali na bomoi mpe moto yango angengaki makasi mpe mokalikali ebimaki na yango. Moto yango te moto yango. Moto, pas moto. C'est du feu. C'est dans les motos. Et les êtres vivants couvraient et revenaient comme la foudre. Bizali na bomoi, balekaki mpe butoki lokola kopela na mokali kali. Oh, verset 21. Quand il marchait, elle marchait. Et quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait les roues. Quand elle s'élevait de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Wana etambolaki bango oyo bitambolaki, pe wana etelemaki bango oyo bitelemaki mpe, wana elongwaki bango na mokili biyika bilongwaki na bango elongo. Po ete molimo na bizali na bomoi ezalaki mpe kati na biyika. À la fin de cette vision terrible, Ézéchiel a vu, et décrit là, ce que dit au verset 21, l'aspect de l'arc qui est dans la vue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, comme un arc-en-ciel. Na mokolo na mbula pongenga na ko yinga ye emonanaki boye. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Na tembo na yawe emonanaki boye. Il décrit des puissants terribles et complètes. Ce n'était qu'une image de la gloire de l'Éternel. Même pas la réalité de la gloire de l'Éternel. Mais quand vous lisez, vous voyez combien ça vous tend les nerfs. Quand vous allez pour qu'est-ce que ce grand prophète a vu? Et il tout cela, c'est l'image de la gloire de l'Éternel. Si l'image de la gloire de l'Éternel était si complexe. La gloire de l'Éternel elle-même, elle est comment? Elle est très paradoxale. Quand vous parlez de la gloire de Dieu, la Shekinah, c'est pas un mot avec lequel on dit. Ce sont des profondeurs terribles. Des réalités fantastiques de Dieu. Que la main aura difficile à comprendre. Que le cerveau humain aura difficile à comprendre. Mais ce sont les réalités de notre Dieu. Ézéchiel voit tout ce qu'il a vu là. Et il conclut en disant, c'était une image de la gloire de l'Éternel. C'est comme une ombre. Gloire de Dieu. Mais posez-vous la question, la gloire de Dieu elle-même, elle est comment alors? Là, la préoccupation. Verset 28. Hein? Tel l'aspect de l'art qui est dans la rue. En un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, suivez, cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Elilingi na nkembo na Yawe emonanaki boye. Mpe wana emonaki ngai yango, nakweyaki na elongi na ngai mpe nayokaki mongongo na oyo azalaki koloba. Êtes-vous là? Là, c'était un jeune prophète au commencement de ce jour. Il n'avait pas trouvé de qualificatif de nous pour décrire ces êtres vivants. Mais quand il a continué avec Dieu, les noms des êtres vivants en question apparaissent. Allons dans Ézéchiel 10. Oh mes amis, du verset 1-4. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de Chérubin. Na sima na talaki mpe tala na etando oyo ezalaki na likolo na mito na ba keluba. Tobota makaba na mike me tokolaka pe. Tobandaka na sango malamu ba ignorant me fo tokola pe na boyebi ya makambo na Nzambe. Naebandeli quatre êtres vivants. Un peu au cours de la marche. Wana na kotambolaka na katikati boye. Ce sont des chérubins. Ezali ba keluba. Allons-y. Je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de Chérubin, il y avait comme une pierre de saphir. on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'être, l'éternel dit à l'homme, vêtu de l'un, va entre le roux sous les chérubins et remplis les mains de charbon. Ardent, que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville, et il y a là devant mes yeux. Na likolo na bango emonanaki eloko lokola safiri, na lolenge lokola kiti na bokonzi. Pe alobelaki moto oyo alataki molikani ete, pota na kati na biyika na mozilingani na mozilingani. Na se na bakeluba, pe tendisa maboko na yo, mibale na makala na moto oyo ewiki na kati na bakeluba se, bwaka yango na kati na mboka. J'essaye de faire une petite représentation que Dieu nous pardonne. Nazali komeka sacrilège. Otali sama mokenzi amali mukasa soki komona na lokola malamuke. Voyez ça? Tumoni quelque chose comme ça. Lokalolenge yo. Le trône est ici. Ngwende ezali awa. Mais en dessous du trône, ça fait ngwende, il y a quatre êtres vivants. Nazali na pijali bine ya bomoyi. Parce que le trône a quatre pieds. Wete ngwende ezali na bitenge mine. L'autel de Dieu. Lolenge moko etumbele na Nzambe. L'autel de rein. Etumbele na motako. Là où on sacrifiait. Et pas vraiment pour la malika. De deux au dessert. Atali mongongo na Nzambe na kosobe. Quatre cornes. Ezalaki na bitenge mine. Ezali mine. Et na à chaque corne, il y a un être vivant. Moko na moko ezali na ezali na bomoyi. Trois, quatre. Moko mbele misato pe mine. Ils sont en bas. Bango bazali na se. Et ce qu'elle voit au-dessus d'eux. Ezekiel amona ki likolo na bango. Donc l'espace qu'il y a au-dessus du chérubin. Katikati. Il voit quelque chose qui ressemblait à un trône. Amoni eloko ekokana ki na ngwende. Est-ce que vous là? Vous allez wana? Et si ce trône, il y avait quelqu'un qui était. Likolo na ngwende ezalaki na moto afandaki. Celui qui est assis dans l'ombre, l'homme vêtu de l'un. Afandaki apesaki motalaki molikane. Il va sous les roues qui sont en dessous du chérubin. Alobi tende kuna na se na oyo na bakeluba. Donc s'il y a ce chérubin aussi zèle ici. Vous voyez ça? Des chérubins, ces créatures qui sont là. Ils allaient aux Aliwana. Fois quatre. Maintenant, ils avaient des roues à leurs pieds. Et ces roues marchaient dans le feu. Un grand feu. Il moto, ces roues marchaient dans le feu. Or, ce feu-là, c'est le feu de l'autel céleste. C'est le même feu qui avait des braises ardentes. Des pierres ardentes. Un des séraphins est venu soutenir la vie de Pierre. Il est allé toucher les lèvres d'Isaïe. Il a dit, ceci à tous ces témoins. Ton péché est expié. Et ton iniquité est enlevée. Donc les séraphins qui étaient au-dessus. Donc, pareil aussi à des chérubins. Voyez là. Ces séraphins qui étaient là au-dessus. Au-dessus de l'éternel qui est assis. L'un d'eux a quitté là-bas. Il est allé vers l'autel. Il a pris une pierre ardente. Et il est venu toucher les lèvres de Dieu. Pour expier ses iniquités. Pour enlever ses péchés. Qui dégloire à Dieu. Mais ici, là où il est venu prendre là, ah ouais, ça y va, ça y va, ça. C'est là où se tenait le roux. On a dit que ça y va, ça y va, sur lequel marchaient les chérubins porteurs du trône. Et l'homme vêtu de l'air était installé là-bas pour aller jeter du feu sur la terre. On a pouvoir Kamoto Namabele. Et sur la ville de Jérusalem. On est allé en Goumara Jérusalem. J'aimerais relire le verset que nous avons lu ici. Écoutez. Verset 1 et 2. Ézéchiel 10. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de chérubin. Au-dessus de la tête. Le corona moto. Les mots ciel venir étendu. Espace. Non, la ligne coloca. Donc, il dit, le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Donc l'étendue, l'espace là, considérez juste l'espace qui est au-dessus de la tête des chérubins. C'était une dimension. Une dimension du ciel. Qui était là au-dessus d'eux. Mais il y avait quelqu'un qui était là-bas. Et ce quelqu'un là, c'est notre Dieu. C'est pour ça que nous savons qu'il habite la septième dimension. Il est circonscrit ici. Au-dessus de la tête. Dans la perfection des perfections. Un être parfait qui habite un ciel parfait. Une étendue parfaite réservée à lui. Et c'est le mieux que tout. Mais quand il vient sur la terre, c'est un petit homme. Il a fait tout ça. Quand vous voulez être grand, le chemin pour monter consiste toujours à l'étranger. Ne vous croyez pas si grand. Faites-vous petit et Dieu vous fera grand. Ah. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de blanc, va entre le roux, sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent, que tu répandras entre les chérubins, et que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il y a là deux pas, messieurs. L'ordre est exécuté. Sur place. Mais quelle harmonie. Là-bas, il n'y a pas de somnolence. Il n'y a pas de... Attendez d'abord, il ne faut pas fatiguer. Non. C'est la vigueur même. Les chérubins étaient à la droite de la maison. Quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. Verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin et se dirigea vers le seuil de la maison. Et la maison fut remplie de la nuée. Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Cette fois-ci, ce n'était pas une image de la gloire. Quand le jeune prophète Ézéchiel a avancé un peu avec Dieu, ce n'était plus une ombre de les choses apparaître. Il semblait pendant très précisément les choses. Mais ici, il a nommé la chose, la gloire de l'Éternel. Il s'est aperçu de la gloire elle-même. À ses débuts, c'était C'était une ombre. Il a vu les êtres vivants avec quatre ailes chacun. C'est dans une image. Mais quand vous allez avancer, ce n'est pas quatre ailes. Vous allez, il faut bien voir. Frère, il y avait des autres qui étaient cachés. Ça faisait six ailes. Mais que le jeune prophète de Bina quand vous êtes nourris dans les choses de Dieu, quand vous vous avez des imprécisions. Mais acceptez d'être formé pour que vous puissiez et mieux voir la révélation. Est-ce que vous aimez les choses de Dieu? Vous ne naissez jamais adulte. Ne prétendez pas devenir tout grand alors que vous venez à peine de naître. C'est cet orgueil de foi qui amène la suite de plusieurs. Faites-vous petit et Dieu vous fera grand. Ainsi vous remarquez bien, les chérubins ont des ailes. Combien? Les séraphins aussi ont des ailes. Combien? Maintenant, frère Brenham me dit que les séraphins sont des chérubins. Si vous regardez bien, bien que Dieu leur a donné le nom des séraphins, et que les autres ce sont des chérubins, en fait, leur fonction et leur position qui les différencie, devant le trône de Dieu et devant Dieu lui-même. Vous voyez que les uns sont en dessous du trône. Mais les séraphins sont au-dessus de l'éternel. En train de voler, Mais les chérubins, elles sont en dessous du trône. C'est clair pour tout le monde. Donc cela transporte Dieu. Les chérubins transportent le trône de Dieu. Oh, comme Dieu aime faire les choses là. Oh, des fois il est apparu, il s'est manifesté à quelqu'un. Psaume 99, le verset 1. L'Éternel règne. Le peuple tremble. L'Éternel, il est assis sur les chérubins. Et la terre chancelle. Dieu est assis sur les chérubins. Donc ils sont en dessous de lui. Notre Dieu, il est au-dessus des chérubins. Et les chérubins sont en dessous de lui. Et là, en dessous des chérubins, il y a le feu de l'autel. Il y a des charbons ardents. C'est l'autel qui est là-bas. Maintenant, quand Jésus-Christ a triomphé, il s'est assis avec son père sur son trône. Il n'a pas de trône. C'est le même trône. Mais en dessous de ce trône, il y a l'autel de Dieu. Et maintenant, sous cet autel-là, il y a les âmes qui sont sous l'autel. Les âmes qui sont sous l'autel. Dont il est question dans les cinquièmes. Ils criaient vengeance à Dieu. Là. Ils sont situés là sous les chérubins. Or, déjà, c'est le ciel qui est au-dessus des chérubins. C'est le septième dimension. Domaine exclusif de Dieu. Maintenant l'autel ici, c'est la sixième dimension. La sixième dimension du ciel. Et c'est un espace tellement réel qu'il y a ceux-là qui attendent. Les juifs là qui ont été mis à mort. Dieu leur a donné une robe blanche. Parce qu'ils ont été, aveuglés par Dieu lui-même. Qui a voulu donner une occasion aux gens des nations. Ils sont morts comme en état de perdu. Les gens ne vont pas créer un métier. Ils l'ont rejeté. Mais Dieu est juste. Comme c'est de lui que venait l'aveuglement. Il leur a dit de se tenir tranquille. À l'ouverture du cinquième jour. Qu'ils soient complets le nombre de leurs frères. Ils vont être mis à mort. Mais ces âmes-là sont sous l'autel. Moto l'écolo, bango na se. Olandi? Si qu'on a niveau wana yase, ne sixième dimension. Ça, c'est la sixième dimension, wana de frère Branham Azan à minute. Est-ce que c'est juste? Frère Branham, de mon avis, soit qui dit ça. A qui fait la sixième dimension? Paul. Paulo. Pierre. Et c'est le Pierre de la Bible. Vous avez dit, ça, ça y est, vous allez couna. Dans la sixième dimension. Vous s'en allez, vous allez. Hein? Oh. Amen. Ça vous complique? Non. Ils sont là-bas. Les morts qui meurent en Christ. Bah, vous allez couper la pièce. Et là, ils vont se reposer. Vous allez couna, vous allez couper la copie. Ils ne vont pas se mettre à côté des âmes des Juifs parce que ça, c'est un peu. Vous allez libérer, c'est un peu. Dieu traiterait la paix autrement. Vous allez couper la copie. Pour les nôtres, ils vont se reposer. Vous allez couper la copie. Mais voyez celles qui sont sur le train. Vous allez couper la copie. Vous allez couper la copie. Vous allez couper la copie. Vous allez couper la copie. Vous allez couper la copie. Vous allez couper la copie. Mais les nôtres vont se reposer. Parce qu'ils ont achevé le travail. Ils ont servi le Seigneur. Il n'y a pas de péché à réparer. Tout est déjà mis en ordre. Et là, ils vivent sur la terre. Est-ce que ta vie est en ordre? Comme disait Frère Brennan, il faut toujours tout mettre en ordre. Pour ne pas avoir les anneaux à la rivière. Parce que à traverser le fleuve Jourdain, l'ange commence à me comprendre. Ma vie se conforme à ça. Pendant que je vis encore ici, tu as aussi fait des mains. Oui, ta vie, mets-toi en ordre. Tout le jour de la traversée va arriver. Coup de chapeau, vert. Il passe et revainqueur. Fidèle combattant. Fidèle combattant. L'ange te salue. Alléluia. Entrez, c'était réservé pour toi. Tout ça pour moi. Oui, repose-toi là. En attendant le retour de ton Dieu. Quand il reviendra, il te fera sortir de là. Et il t'amènera encore dans un monde plus meilleur que ça. Oh. Pourquoi ne pas servir Jésus ? Pourquoi ne pas l'aimer plus que les gens du monde ? Pourquoi ne pas se donner aux affaires du royaume ? Des fois parce que vous ne savez pas. Voilà, ce que Dieu réserve aux rachetés. Vous vous en abondez pour la partie pour la vie. Ne saisissez pas. Vous allez continuer à vous dire. Que la vie, c'est ce que vous menez. Vous allez être bon, vous allez vous aller la chaleur du soleil ici. Voilà, vous transpirez. Vous allez vous dire ça, vous venez à la solo. Moutoki, na solo ya moutoki. Tu penses que c'est ça la vie. Vous allez courir là-bas sur les motos. Et d'aller vous coincer comme je ne sais quoi dans une boîte de salive. Dans un vieux combi. Véhicule digne de jeter la poubelle. Vous allez vous couper comme les bateaux. Vendre le peuple, ça se renverse. Vous mourrez comme des petits frères. Vous pensez que c'est ça la vie. Vous pensez que et qu'il y a un méchant là-bas qui vous mène la vie du travail. Vous pensez que c'est ça la vie. Mais il y a plus que ça dans le delà. Mais le prophète Branham a vu la gloire de ça. La réalité de ce que Dieu réserve. Même les mots subtils sont sublimes. Hein. Il dit que le mot sublime. Il dit que le mot sublime. Il dit que le mot sublime. Il dit que le mot sublime. Il dit que le mot sublime. Il oh, superbe. Oh, le mot oh, magnifique. Oh, merveilleux. Tous ces mots-là, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Aimez le Seigneur de ce possible. Alors si quelqu'un aime le monde, pour les choses du monde, amen. L'amour du Père n'est point un amour. Si vous n'aimez pas le Père, vous n'hériterez pas ces choses-là. Recevez l'amour de Dieu dans votre cœur. Toutes les autres choses deviennent superflues. Et donc, on dit que ça devienne comme de la boue pour vous. Vous le faites par nécessité. Vous le faites par nécessité. Vous le faites par nécessité. C'est pour ça que vous travaillez, cherchez à gagner. Un peu d'argent, un peu de salaire, un peu de revenus, un peu de bénéfices. Mais nous sommes appelés les sujets. Un jour restera. Mais il faut que tu aies quelque chose qui s'accueille là-bas. Faites l'investissement dans les royaumes. Investissez-vous vous-même dans les royaumes de Dieu. Et ça vous accueillera. Quand les choses d'ici-bas vous manqueront. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit dans Luc 16? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils puissent vous accueillir dans les tabernacles éternels. Lorsque ces choses de la terre vous manqueront. Il est vrai que nous sommes venus sur terre nus. Et la Bible dit que nous n'emporterons rien par ça. Tout ce qui sera entassé. Oh miséricorde. Ça restera. Et pour les autres qui l'utiliseront. Je connais un homme qui aimait dire à sa femme, oh, de notre hausse en bongo, il t'y en a profité en bongo, tout le monde est là. Pour mon colonel, au coup, famille, koya, Mais comme on a encore envie, jouissons de l'argent, jouissons de la vie. Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme-là m'a raconté cette histoire et vous riez. Moi, si j'avais tenu les solos à la paix, à ce qui. Mais aujourd'hui, je vous parle ici. Cette femme-là est mort empoisonnée. Et son propre frère, biologique, est venu là où il était berger. Il a tout pris. Et l'argent, il a volé, il est parti avec lui. Pour ne rien donner ni aux enfants, ni à la femme. Son propre frère, hein? Membre de sa famille. Pour voir des fois les cœurs que nous avons autour de nous. Bien-aimé. Investissez pour dans le royaume. Tout ça là pour nous conduire na. Koufi, on l'appelle les pauvres. Babengi, motoa mobola. Oui. Yo pe ou comme les pauvres. Oh, zana ba valise, on change bilamba sika. Yo la ti ba griffe. Vanité de valise. Pamba. Il se fait le ouais bête on a minita. Combo ne go changer, les pauvres. Mobola. Et des fois on a même difficile à citer ton nom. Difficile, c'était même ton nom de famille. L'illustre disparu. Le pauvre. Tomobola. Hein? Et mais surtout si quelqu'un est mort et qu'il n'a rien laissé. Ce qui m'a coupé, c'est que le côté. Il est décédé. Il n'est pas décédé. Il est mort. C'est un mort. Donc il y a Koufi Benzali ou à solo solo. Ah, si que l'autre donc il y a un bébé. Mais ce qu'on confie au tiki biloko, il est décédé. Et en latin, le dekouyous. Dekouyous, c'est lui qui a laissé quelque chose. Aux années Ebembe. Ebembe, le gros la soso, mon nom soso, tout son bagaille Ebembe, le cadavre là. Soso, basson bagaille, chambre froide. Bataille en formolte. Yo pète en gouvernement. Loba, Zara Sese. Dégodaye, Bautoni, formol. Exactement comme les poulets là-bas. Au cardinal soso. Les poulets fois 12, fois 14. Oui, tout son bacana, oui. Fois 10. Bazo tiens les bâtiments à formol la cage. Pour nous conserver. C'est tout, hein. Alors, quand vous êtes ici-bas, investissez-vous dans les royaumes. Vous faites pour vous conduire. Là, il n'y a pas la taille. Là, il n'y a pas les voleurs. Il n'y a pas un frère et cousin méchant. Il n'y a pas un enfant impoli. Là, dans les royaumes, tout est bien gardé pour vous. Et le Seigneur a dit, vous ne perdrez pas votre enfant. Vous ne perdrez pas votre enfant. Qui dit amen. Allez, vous faites bon. Voilà ce que c'est. Alors, le royaume de Dieu existe. Le ciel n'est pas une fiction. C'est une réalité. Yango, solo. Question. Monsieur pasteur, peut-on à partir de ces deux passages, Apocalypse 4, verset 8, et Isaïe 6, verset 3, affirmer que Dieu est trois fois saint. Comme les gens le disent, même dans le milieu du message, c'est faux. La Bible ne dit pas que Dieu est trois fois saint. Donc dire que Dieu est trois fois saint, c'est une déformation d'un cri d'adoration de chérubins. Il compte 1, 2, 3. Dieu, il est le saint. La Bible dit le saint. Il est le saint. Il est le saint. Azali oya musanto. Ça la Bible le dit. Wana bije le dit. Pas trois fois saint. Le bité musanto mara musanto. Pourquoi pas huit fois saint? Qu'est-ce qui fait que ça se limite à toi? Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous voulez que ce soit toi? Pour aller vous l'indiquer, vous voulez que ça soit. Pourquoi il n'est pas 12 fois 5? 40 fois 5. 50 fois 5. 50 fois 5. 50 fois 5. Ou infiniment 5. Pour vous qui faites les mathématiques. Hein? Le nombre dans l'assemble N. Les sangaos avaient dit N. Ah, quelqu'un commence à bailler. Comment ensemble N ou on a dit ceci? Il y a une église pour ça. Ensemble N. L'ensemble des entiers. On a mis tout là où on a mis la caca. Les entiers positifs. Mais tout là où on gambo. Hein? L'ensemble Z comprend les entiers et positifs et négatifs. On est là où on a mis la caca. Ce sont les entiers positifs. Ça commence par 0. Et bah, nina, le bon tout là. Ça va jusqu'à. Et trois étirés de là. Maintenant, je vais demander pourquoi vous voulez limiter à trois. Continuez. Et quand vous aurez pris le plus grand chiffre que vous aurez trouvé, ensemble des centaines, il y a l'infini. C'est comme ceci. Comme un huit endormi. Et le colère, moi, un huit endormi. Voilà mon bébé, voilà l'ici. Et après, Branham, en parlant de ce huit, il dit que c'est l'éternité. Avec Ali, Izanazala. Notre semaine compte 7 jours. Voilà, pour ce n'est pas le 8e jour, c'est le retour au commencement. Vous reprenez le comptage. Vous en avez compris. Après le bouclage de la semaine, fini. Et qu'on ne peut plus le compter, le temps débouche dans l'éternité. Donc la mathématique dit c'est l'infini. La parole dit c'est l'éternité. Dieu est éternellement saint. Il est saint chaque jour, chaque fois, chaque fois. Êtes-vous là? Vous allez où là? Les chérubins disent saint. Et Dieu a dit aux hommes, priez sans cesse. Hein? Et quand vous priez, dites Père. Vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et ton nom? Dites ça. Parce qu'il est le saint. Que son nom soit sanctifié. C'est comme ça que nous parlons et que nous prions. Alors votre prière commence à dire, Seigneur Dieu, tu es trois fois saint, tu mens. Il t'a appris à prier. Il t'a appris à dire, que ton nom soit sanctifié. Amen. Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. Pas trois fois. Mais sans cesse. C'est amen. Amen. Sans cesse. Faites-le sans cesse. Dieu soit béni. Vous voyez que pour cette question de zèle des anges, selon la vérité biblique, ce sont les chérubins et les séraphins qui ont six ailes. Six. Donc quand on vient vous dessiner un ange qui a deux ailes, méfiez-vous. Amen. Méfiez-vous de cet ange-là. Parce que pour Abraham nous dit que Dieu a créé les anges sans ailes. C'est le cœur de myriades des anges. Et eux, ils sont sans ailes. Qui dit amen encore là.